En régnier, ni à ma mouké, à boulan, à vie, en régnier, pour qu'on m'en régnier. Nous avons attendu l'année à filer. Et l'école, bah, que bière, n'a bien, mais n'a pas moué. Somi monene ya mabanga na kati ya Congo Alita Chamala Mandanga na kanga mana primis Esengo Fernando Pondu Deko keba na bibe la bela bela Oko ya kosange lo poli Eko sa kukoto kumbro ni ma primis Eka mone mambo Tome la kango tango nyoso Mama munu mame ma Mame ma mama Yeko misika Mame munu kisarako Chéri Congolo, Gilles Siombele, Paolo de Sousa. Pacificateur Vital Gamere, Francine Bala, Chewit, Trésor Mando, Pepe Japan, Alina na Lyon. Vraiment mille et dix cents mille kimbo. Chabani Record. Notre gouverneur André Kimbuta, Gaspard Love et Serge Fouamba. Patrick Mombada. Hey, basomba, basomba, basomba, nelo basungina kongo. Ayake ba memela midele, miselega de midele basenga bano. Niri moto. Yanné Malenga. Afrika Temba. Vasco Mabiala Boloba, Boloba Mamba Bofinga, Botonga Zero Bimisa, Zoteka, Koleka Kino Na Bimisa, Nibala, Kito Patrick, Kimbuta Musanga, Nabiso, Soki, Tomelili, Bumutushu Ok, Toleka, Boy Ok, Toto, De Rai, Namboka Koko, Chimi, Musada Le conseiller Salomon Moïse, Katumbi, Chapo, le gouverneur Prince, Wakiki Koko, Uzida, Mbako, Sama, Mone, Kwa, Ou bien la Maïmbi, Nelly Bomei, le colonel de Kanyama. Commando Mototé, Jacques Ndala, Nati Lokole, Général Tabera Mabrasavi. Baya ya boku ye gusoma ba peti ba me libera ba sondo sondo singa mama chizele sita singa mama gase mondo singa mama Esia Engani, Yama Afrika Levye Mambo, let's go Ba MCV na Bruxelles, ba peti ta kitoko Nana Bula Sandra Sula La fade bla jebe dami, jebe dami Jebe ta plise suke lala Zala va bozala, loboko lokumu, biera bana Congo.